Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, heureux de vous retrouver à l'antenne de CKRL, la radio qui aime le son et qu'on s'intonise au cadran 89.1, évidemment pour ceux qui sont loin de la maison ou à l'extérieur de la région de Québec, ckrl.qc.ca. La Croche-Oreille, c'est l'émission qui se passionne pour les arts sonores et ses artisans, ses artistes, à travers leurs activités de création, il doit s'en dire, mais aussi pour leur passion parallèle, la diffusion, le rayonnement et la promotion des œuvres via mille et une plateformes. Le créateur multidisciplinaire Michel F. Côté fait partie de ces artistes pour qui la diffusion et la promotion de la création sonore est une passion, un vecteur de complicité jamais fini. Il nous a déjà parlé de ses appartenances à de très nombreux groupes, Klaxon Gueule, Mecha Fix Clocks, Pink Saliva, et aussi de ses nombreuses collaborations artistiques. Parallèlement à tout ça, Michel F. Côté entretient des plateformes artistiques de diffusion sur le web, comme on cultive, je dirais, des jardins qui seraient du côté communautaire, de ces jardins qui s'alimentent de complicité, de joie de vivre entre amis, artistes ou pas. Michel commente pour nous ce soir deux albums réalisés à partir de travaux sonores qui datent de quelques années et qui sont de les effets du temps sur la création. Deux albums récents qu'on retrouve sur le label Projet intitulé UFO Omega sur le diffuseur Bandcamp. On va d'abord s'attarder en première demi d'émission à un projet qui s'intitule 4 audio-romans irréalistes qui comporte des interludes, puis écouter ensemble en seconde demi un album créé par Diane Labrosse, Christophe Migonne, Martin Tétrault et Michel F. Côté. Alors, parole à Michel F. Côté. Michel F. Côté, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Michel, tu as lancé récemment, en janvier, c'est sur le label UFO Omega, un projet qui s'intitule 4 audio-romans. C'est assorti d'interludes. Et je réalisais à lire les propos qu'accompagnent ce projet-là, que c'est pratiquement un voyage dans le temps. Des prises réalisées en 2012-2013, et je me demandais quel était l'esprit du temps, 10 ans plus tard, là, quelle lecture tu fais de cette époque? Écoute, pour moi, c'est comme si c'était un projet qui était encore tout récent, en ce sens que oui, tu as bien raison, ça fait 10 ans que les ébauches ont été jetées, mais le travail a été complété, donc, il y a quelques semaines à peine. Il m'arrive souvent de faire ça, d'ailleurs, de débuter des projets, de les laisser mijoter, de les reprendre successivement. Il n'y a pas si longtemps, parenthèse rapide, j'ai publié un disque dont les bases ont été jetées en 2002. Et l'idée était de laisser la chose reposée dans un coin pendant 20 ans et de reprendre 20 ans, jour pour jour, le 3 janvier exactement, 20 ans plus tard, les mêmes musiques, de les compléter en une seule journée, puisque les enregistrements initiaux avaient été faits en une seule journée, et de publier la chose, de l'avoir réalisée en 2 jours, mais sur 20 ans. Bref, ce nouveau projet, donc les audio-romans, ont été commencés à cette époque-là parce que je m'intéressais à ces nouvelles voix synthétiques qui arrivaient à ce moment-là et qui sont maintenant plus connues et très répandues, plus performantes d'ailleurs qu'à l'époque. Je m'intéressais à ces voix parce qu'on pouvait leur faire faire des choses et leur faire dire évidemment des choses extravagantes. On pouvait essayer de les faire chanter, même si ce n'est pas nécessairement des logiciels de chant, on s'entend. Et j'avais aussi l'envie de travailler des textes qui m'apparaissaient susceptibles d'être intéressants à mettre en musique. Alors l'idée donc était de créer ce qu'on appelait à une certaine époque des radioromans, mais j'ai décidé moi d'appeler ça des audioromans parce que ce ne sont pas vraiment des romans, ce sont peut-être de brèves nouvelles, mais c'est surtout des textes curieux et que j'avais envie de mettre en musique en quelque sorte. Donc plusieurs motifs derrière cette production, l'envie de mettre en musique des textes que je considérais intelligents, ce qui est peu fréquent dans le monde de l'opéra. Les textes intelligents, si on exclut Robert Ashley et quelques autres, c'est souvent des textes un peu insignifiants. Il y a peut-être historiquement Eric Satie dans son monodrame symphonique qui avait fait son Socrate, où là il laissait parler un philosophe, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Alors j'avais l'intention, et j'ai toujours l'intention de travailler donc, à la manière d'Ashley, je l'ai nommé, des textes qui m'apparaissait culturellement, philosophiquement, sociologiquement intéressant, de les mettre en musique et de faire ça avec des voix de synthèse. Donc, j'ai commencé il y a 10 ans et j'ai terminé récemment en complétant non seulement les arrangements vocaux eux-mêmes, mais les arrangements musicaux. J'ai laissé déposer parce que, je le répète, c'est mon habitude de laisser mariner comme parfois en cuisine on fait cette chose. Michel, pour se mettre un peu dans l'ambiance, on va écouter un premier titre tiré de cet album, qui est magnifique, soit dit en passant. On va écouter le titre numéro 1, c'est 5 à 7 Formula. Et puis, on poursuit notre échange parce que je suis très curieux de t'entendre sur tes sources d'inspiration dans ce projet. Alors, on écoute ça. Noises. Bruit. Noises. Noise. Il faut être assis pour lire sans lancer. Il faut être debout pour lancer des choses à lire en buvant du vin. I will immediately name dance moves that will bring satisfaction to the crowd. I am the wild. I am the crowd and you are the performers. Lancer des revues est bien pour les gens qui lisent sur les gens qui bougent devant les gens qui écrivent. You are incredible characters, terse, terse. You have long necks and lipstick, high heels, blazers and emotions. Il faut boire du vin pour mieux écrire sur ceux qui dansent debout assis couché. Terse. Lire couché et bien boire au lit est mauvais. Mauvais vévévé. Arabesque. Party boy. Jump, jump, jump. For what he... Pirouette. Pirouette. Body do, dance for takeout. Two, two, three, four, counting, counting. Hop, hop, grand JT, JT. Hop, hop. You have, I like, or, I do not like, bruit. Attitudes. Bruit. Or, you are ambivalent. Pop, pop. You are blasé about the 5 à 7 formula. You could be anywhere right now. You are all a spectacle. You have the composure of incredible people. I like it. Lire ou lire ou lire, ce n'est pas ainsi qu'une nation se reproduit et c'est tant mieux parce que de toute manière, où allons-nous? How do you feel? I can also take off my clothes. I'm just joking. Noises. I like... I like. Même si ceux-ci sont bien, il faut toujours bien se lancer soi-même pour mieux connaître ce qu'est un lancement. I like a lot the spectacle. Non. Spectacle, spectacle, la la la la. Oui. Noise. Why not? Different things, not like the others. Other than the other. Right. My feet are yours, at you and me. My arms are yours. But my head is mine. Un lancement réussi se fait avec tout le corps, la terre et le ciel. Pour ce faire, il est bien d'avoir les mains libres. Pas de revue, pas de verre de vin. Des mains libres. You are a spectacle that I like. I do not pretentious like. No, no, no, what, what, what? Hop hop. How do you feel? It's like so. You are all alike and different at the same time. Concernant la tête, c'est autre chose. Assis, debout, couché, assis, à poil, couché, assis, debout, tibou. Hair, no hair, or poils. Get lost and ask for fun. Why don't you take off your clothes? This is a Sanka set. Boubou, à poil, to deliver to one or to another would be too much like the others. Feel? Totally. I'm joking. Dear Lily. Bruit. To be the wild, someone is the there. Crowd, or to be the performer is a perilous question. 1, 2, 1, 2, testing. Someone is there? Dear Lily. Come on, I'm just joking. With pleasure, without force. Faut être debout pour avoir les mains libres pour lancer, lancer a jolly molly coming from the belly of a dancer. I'm the force. Les gens qui écrivent. I'm talent that is the ideal. You are all amazing in the Sanka set set set noise. I am the wild bill on your account. I am the crowd and you are the performers. It's for eating. Hoo hoo hoo. Eat me. Dear Lily. Jump. I'm just joking. King calling, calling. Lire couché et bien boire au lit est mauvais. You are incredible characters. Eat me. Incredible characters. Bruit. You have long beige necks and jolly tick lipstick. Eat me. High heels. Blazers and emotions in motion. No, I don't. Lire au lit, ce n'est pas ainsi qu'une nation se reproduit. You have. I like, but, or. Non. I do not like, but, attitudes. Oui. Fun, found down, down, and a big balloon. Do. You are ambivalent. Strangely ambient. Dance for take. O U T T T T T T T T T T T T T T T. No, no. Oui, oui, oui. You are blasé about the sync concept formula. Ecstatic formula for funky pop. Pas de revue. You could be anywhere right now. Pas de verre de vin. Space traveling in space frame. Des mains libres. Dots and dots. Two. Plots and beams. 1, 2, 1, 2 on that woo netto. You pop, have the pop, composure pop, of incredible people. Step by step. Oui. How do you feel? How I feel? I can also take off my clothes, even my skin. Noise. Essaye c'est tant mieux parce que de toute manière, où allons-nous? Hello? Are you with me or the opposite? Hello? You are a spectacle that I really like. I do not pretentious like. I can also take my clothes off, off, off, off, off, off, off, off, like off, and off, different off, at the same time. Hello? Wow. Why not? This is a Sanka set. Sue is a dancer by God say. Totally. A lady who spin on a dime. Assis, debout, couché, assis, à poil, couché, assis, debout, type. I'm talented is the ideal situation. But my head is mine. I'll sure bring satisfaction to the crowd. Don't you think? How do you feel? Why don't you take off your clothes? You feel? Again, I'm only joking. John, I'm only dancing. Wow. I'm simply just joking. Dolly molly doll doll. Dancer blah blah blah. Let's dance. Eat me. Wow. I'm just joking. Wow. Only joking, kinking, cocking, cling. Michel, les audioramas, c'est un voyage dans le temps, je le disais en entrée de conversation, mais c'est un travail qui pique la curiosité parce que tout de même, tu puises au domaine de la littérature, entre autres, cette œuvre qui s'intitule « L'antre du fauve », un roman tiré de la collection Harlequin. Alors, on sait tout ce qu'on raconte autour de cette collection. C'est souvent un plaisir coupable pour certains, pour d'autres, une littérature tout à fait intéressante. Et il y a aussi cette référence que tu fais au philosophe esthéticien Roger Caillois, référence à l'écriture des pierres. Et là, je voulais un peu t'entendre sur cet univers intellectuel qui nourrit énormément ce projet d'audioroman. Oui, bien, c'est juste, Gaëtan, tu as raison de mettre côte à côte, je dirais, un extrait de ce roman Harlequin, qui est bon, qui n'est pas de la haute littérature, là, on s'entend, mais qui, en même temps, si on l'aborde dans un second degré, avec un second degré, devient quelque chose qui m'apparaît à la fois amusant, grotesque et surréaliste. Alors, c'était dans cet esprit-là que j'ai puisé dans ce roman, dans l'antre du fauve, certains matériaux pour composer à mon tour une brève nouvelle extraordinairement stéréotypée et que de mettre ça en parallèle avec une relecture d'extraits de textes de Caillois autour des pierres, qui était pour lui un sujet fort intéressant, l'univers minéral, de mettre ces deux choses-là côte à côte m'apparaissait à la fois poétique et brutal. Et ça m'intéressait passablement. Et c'est toujours aussi lié par ces mêmes voix, génériques et numériques, qui sont à la fois impersonnelles, mais dans lesquelles je tente tout de même de jeter un peu d'émotion. Alors là, il y a tout un travail, évidemment, on ne rentrera peut-être pas dans le détail, mais il y a tout un travail de programmation pour réussir à faire dire avec un brin d'émotion les choses nécessaires avec ces voix numériques. Mais donc, bref, oui, je me suis amusé à mélanger des styles littéraires dans ces quatre audioromans. Bon, tu as nommé Caillois, mais il y a aussi un texte de Max Frisch que j'ai retravaillé, son fameux questionnaire, qui est un texte absolument fabuleux. Donc, j'ai emprunté certaines choses et dans chacun des cas, je dois avouer que j'ai réécrit certains bouts. Bon, je me suis amusé, j'ai manipulé le matériau parce que toutes ces œuvres littéraires sont beaucoup plus longues que ce que j'en ai fait. Moi, j'ai fait des pièces d'à peu près entre 8 et 10 minutes, donc ce sont de brefs extraits. Mais je m'amusais donc à mélanger ces styles. Et on entend bien que entre le premier texte, 5 à 7 formula qu'on a écouté, où là c'est une écriture à quatre mains en compagnie de ma collègue Catherine Lavoie-Marcus, avec qui j'ai publié il n'y a pas tellement longtemps un livre-objet qui s'appelle Danse à venir, où on offre une futurité à l'art de la danse en proposant 161 chorégraphies imaginaires. Ben, avec Catherine, on a écrit plusieurs chroniques ensemble pendant quelques années dans le magazine S, magazine d'art, et on écrit bien, on travaille bien ensemble. Alors là, on a écrit un 5 à 7 formula qui est en fait une espèce de satire autour des 5 à 7 lors des soirées de lancement et où on entend diverses personnes dire diverses choses. Michel, c'est un travail tout de même qui est assez diversifié quand on regarde tout le panorama des créations que tu mènes depuis plusieurs années. Est-ce qu'on pourrait dire que ce travail-là est le plus représentatif là, de ta démarche sur le plan sonore et musical par rapport à l'ensemble de tes projets? Je ne sais pas si c'est le plus représentatif, mais je dirais que c'est certainement une pierre angulaire. En ce sens que, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler les mots, et évidemment la musique, ben là, on a les deux médiums qui se rejoignent pour une des rares fois. Alors ce travail-là, pour moi, représentait vraiment là, un point de jonction qui me plaisait bien. Bon, bien sûr, j'allie mon travail de compositeur et de musicien au théâtre et à la danse, entre autres choses. Mais j'avais envie de le faire beaucoup avec la littérature, ou à tout le moins avec les mots, d'une manière différente que je le fais avec le théâtre, c'est-à-dire en faisant vraiment là, quelque chose de fusionnel. Tandis qu'au théâtre, ben, la musique est là pour supporter les ambiances, bon, etc. Alors oui, d'une certaine manière, c'est représentatif, mais dans le corpus, c'est minoritaire, paradoxalement. Mm-hmm. Michel, si tu veux, on va écouter cette belle pièce intitulée « Dans l'antre du fauve » et puis on poursuit ensemble notre échange. Dans l'antre du fauve, personnage Ellen James, Dominique Lial, Sheba le guépard et Bolt le domestique. Les montagnes étaient vêtues de neige. Il neigeait depuis des jours et la surface des lacs était couverte d'un linceul blanc. Quand Ellen s'était arrêtée au village pour savoir comment allait la baronesse, elle avait découvert qu'elle n'était plus sur la bonne route. La nuit était tombée et elle était aussi loin de tout asile qu'une heure auparavant. Elle sentit un frémissement d'angoisse. Qu'allait-elle faire? Elle n'aurait jamais dû quitter Londres. Était-ce là la punition du destin pour avoir mis en doute le droit de son père à lui choisir un mari? Voilà ce qu'il advenait quand on se conduisait en égoïste. Vous aurait pas touché. Hélène. Si vous n'aviez pas crié, cet animal m'aurait mise en pièces. Ce guépard est dressé pour amener cette proie sans la déchirer. J'ignorais que j'étais une proie. Je vous offre volontiers l'hospitalité si elle ne vous fait pas horreur. Ellen accepta l'hospitalité de Dominique. Cette maison au milieu de nulle part était très agréable, elle devait en convenir. Le cadre n'avait rien pour susciter le malaise. Il y avait une austérité masculine, mais il fallait s'y attendre. Quelle que fût l'identité de cet homme, il n'était pas pauvre. Était-ce un peintre, un sculpteur, un artiste? Qui donc aurait pu désirer une existence aussi solitaire? Hélène. Je sais qui vous êtes. Vous êtes Dominique Lial, le coureur automobile. On vous a cru mort. Dominique. Oui, je connais parfaitement cette rumeur. J'étais grièvement blessé, et il me convenait d'entretenir cette croyance. Il n'est rien de plus pathétique qu'une idole tombée qui cherche encore à accaparer l'attention du public. Néanmoins, il est dommage que votre mémoire soit aussi fidèle. Elle était sans défense devant lui. Elle percevait la chaleur de sa peau, elle sentait le parfum qui émanait de son corps. Il saura que vous m'avez gardé ici contre ma volonté. Dominique. Des menaces, Miss James? Bolt, le domestique, s'approcha d'Hélène. Allez-y doucement avec les menaces. Monsieur Lian n'est pas homme à prendre cela à la légère. Hélène. Oh, vraiment? Et que pensez-vous que je doive faire? Attendre qu'il décide de me laisser partir? Ne le sous-estimez pas, Miss James. Ne commettez pas l'erreur de croire qu'à cause de son infirmité, Monsieur Lian n'est pas complètement un homme. Je vous aurais cru capable de suffire à tous ses besoins. Monsieur Lian n'est pas ce type d'homme. Dès que Bolt fut parti, Hélène regretta ses paroles. Elle n'avait qu'une chance d'échapper à ses ravisseurs, les persuader de changer d'avis. Si elle se conduisait en collégienne gâtée, quelle opportunité aurait-elle d'y parvenir? Comment sortir de cette impasse et gagner leur confiance? Elle entreprit de descendre un escalier et se retrouva dans une cave. C'était un gymnase magnifiquement équipé. Elle comprenait maintenant pourquoi, en dépit de son inaction forcée, le corps musclé de Dominique Lial ne portait pas un gramme de graisse. Elle ouvrit une porte et se trouva dans un sauna. Plus fort que son désir de fuir, quelque chose envoyait l'homme de rester. Elle savait qu'elle était ridicule, qu'elle ne faisait que chercher une nouvelle humiliation. Elle n'a encore jamais vu d'homme nu. Hélène prit plaisir à s'offrir aux gestes stimulants de l'eau tiède, mais ses pensées étaient restées près de Dominique Lial. Elle revivait les derniers instants dans tous leurs détails les plus intimes. En fermant les yeux, elle ressentit à nouveau la poussée du désir qui l'avait éveillée, mais elle se demanda comment elle avait pu imaginer qu'elle était dénuée d'émotion. Mais aucun homme ne l'avait jamais excité comme il l'avait fait, avant de la laisser sur une faim, que seul pourra assouvir un total abandon. Ses jours devinrent brûlants. Voilà. Alors voilà ce qui complète la première demi de ma conversation avec l'artiste Michel F. Côté à propos de ses albums récents parus sur UFO Omega. Alors restez des nôtres, on est de retour après un bref battement promo pour la suite de mon entretien à propos d'un album, celui-là intitulé « Au nid volaille », ça promet. C-K-R-L 89-1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, on est de retour, Gaëtan Gosselin au microphone, avec vous jusqu'à 22h depuis les studios de CKRL à Québec, c'est le 89.1. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que les émissions archivées, vous trouverez ça assez facilement sur la toile. Vous retrouverez aussi de l'information sur l'émission et l'environnement des arts sonores sur La Croche-Oreille Radio, c'est sur Facebook. Alors, au programme ce soir, un entretien avec le compositeur, auteur et créateur sonore Michel F. Côté, un artiste qui aime manipuler les idées, les sons et les complicités, c'est le moins qu'on puisse dire. Je converse ce soir avec Michel au sujet d'albums publiés sur un label projet intitulé UFO Omega, un label qu'on retrouve sur la plateforme Bandcamp en format numérique et qui offre, ma foi, des nouveautés sonores très intéressantes et de manière périodique. Parmi celles-ci, un projet intitulé « Au nid volaille » que Michel F. Côté réalise en compagnie de Diane Labrosse, Christophe Migonne et Martin Tétrault. C'est un travail vraiment intéressant puisqu'il s'agit d'une construction artistique inventée à partir de travaux sonores et musicaux réalisés il y a une vingtaine d'années, des matériaux retravaillés à partir de préoccupations autour du temps qui file et de la réalité qui se transforme sous nos yeux. Alors on écoute encore une fois les propos fort intéressants de Michel F. Côté. Michel, on aborde maintenant un autre projet que tu as lancé sur ton label UFO Omega. Et tu as lancé ça il y a un an maintenant, ça s'intitule « Au nid volaille ». Là encore, c'est des prises ou encore des créations qui datent de 2002, donc du travail de studio qui a été réalisé il y a une vingtaine d'années. Tu racontes avoir utilisé de ces pièces-là pour les albums 63 apparitions ainsi que cet album intitulé Screwdrivers. 20 ans plus tard, tu les présentes dans leur forme d'origine. Et je me demandais, qu'est-ce que ça signifie que de lancer des pièces comme celles-là qui sont, ce que je comprends, présentées de manière intégrale, propre à la première prise à l'époque en studio? Oui, ben, ça m'arrive souvent de récolter des matériaux et de les cataloguer, de les ranger dans un coin et de les utiliser ultérieurement. Alors, c'est un peu aussi presque un travail d'archéologie contemporaine. Je veux dire par là que je collecte les choses, je récolte les choses, comme on le fait si on se promène sur le bord d'une plage et on ramasse des pierres. Je les mets donc dans différentes catégories, les pierres blanches, les pierres striées, les pierres... bon, etc. Et puis, Je réutilise ces matériaux-là au besoin, je les ressors, bon, etc. Alors, cette session d'origine, en compagnie de Christophe Migon, Diane Labrosse et Martin Tétrault, avait effectivement été réalisée en 2002. À ma demande, ces trois collègues étaient venus me rejoindre en studio et on avait passé une journée ensemble. On avait enregistré, j'étais très heureux du résultat. Je ne savais pas très bien ce que j'allais faire avec ça, mais j'avais envie de travailler, de réunir ces quatre personnes. Je trouvais la combinaison potentiellement fort intéressante. Et rapidement, deux projets, tu les as nommés, se sont présentés et j'ai utilisé certains matériaux de cette récolte pour ces deux projets. 62 apparitions et Mecha Fixes Clock, le premier disque de mon ensemble qui a pour titre Orbiting with Screwdrivers. J'ai laissé de côté cette session, sachant que j'avais utilisé peut-être un cinquième des matériaux. Et puis, je suis passé à autre chose, mais c'est resté dans le coin, bien identifié, et je savais qu'un jour, je la sortirais et probablement que je la publierais de manière intégrale. Ce que j'ai décidé de faire, donc, 20 ans plus tard. Il faut dire que cette série de publications récentes et rétrospectives a été fortement encouragée par la pandémie. La pandémie qui aura, pour chacun de nous, provoqué toutes sortes de choses. Dans mon cas, ben, beaucoup de temps pour retourner dans les archives. Oui, tout à fait. Michel, on va écouter un titre qui s'intitule « Troublante proximité physique ». Ça va nous mettre dans l'esprit de ce projet, je le rappelle, qui est intitulé « O-Ni-Volaille », O-H-A-U-T, Ni-Volaille. Alors, on écoute ça. Thank you. Michel, il y a toujours un peu un peu d'humour, de sarcasme dans tes projets. Beaucoup de sérieux aussi, mais il reste qu'on ironise très souvent. Et à la lecture des titres, au Nivolaï, déjà, je trouvais qu'on était dans un univers à la fois surréaliste, mais aussi très lié à la vie quotidienne. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est un exercice de haute voltige que de nommer un album comme celui-là? Tu as raison, Gaétan, en ce sens que j'aime bien m'amuser avec les analogies, les mots et les images que certains assemblages de mots peuvent produire. C'est vrai dans les titres des pièces, dans les titres des albums et aussi parfois dans les noms des ensembles. Dans ce cas-ci, Oni Volaille m'est venu assez spontanément en écoutant le matériau. J'avais l'impression de me retrouver dans un poulailler qui, par jour, par un beau jour d'été calme, et d'entrer dans l'intimité de ce poulailler alors qu'elles sont en conversation, ne sachant pas que je suis là et que je les épie. Mais bon, évidemment, c'est pas de la musique de poule et ça n'a pas été enregistré dans un poulailler, mais ça m'amusait d'imaginer cette chose pour identifier ces musiques. Thank you. Michel, pour compléter notre rencontre, je reviens sur cet album intitulé « Au Nivolaille ». Il y a un titre qui m'a fait sourire. Ça s'intitule « Il en va autrement des légumes ». Et je me demandais qu'est-ce que tu entendais par là. Qu'est-ce que tu voulais dire qu'il en va autrement des légumes? Ouais, comme je réponds souvent, je ne donnerai pas de... d'indices là-dessus. Je préfère que chacun et chacune y aille de son interprétation, surtout à l'écoute de la musique. Parce que, bon, je pourrais évidemment te répondre ceci ou cela concernant le titre, mais ça m'amusait d'imaginer qu'il en va autrement des légumes. Tout simplement. Tout à fait. Écoute, on va prendre plaisir, écouter ce titre et compléter ainsi notre conversation. Michel F. Côté, grand merci de m'avoir accordé cette conversation, cette rencontre cet après-midi. C'était très agréable. Ben, merci à toi. Thank you. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste Michel F. Côté et de ses complices Diane Labrosse, Christophe Migonne et Martin Tétrault. Je leur dis grand merci de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres qu'on retrouve sur la plateforme Bandcamp, notamment 4 du roman et réaliste et l'album Au nid volaille. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Au microphone, avec grand plaisir, Gaëtan Gosselin qui vous salue.